Ah, tu vois bien, mes amis. Quel froid de babouin! J'arrive de Los Angeles et qu'est-ce qui m'attend? Un froid polaire! Tenez, ce matin, rien qu'en sortant pour venir ici, je me suis gelé le prépuce. J'arrive plus à décaloter. Je peux même plus me mettre en position cabriolet. Bref, peu importe. Le principal étant que je sois revenu à temps pour l'élection de la Super Mamie 2005. Oh, quel moment de bonheur, mes amis. Chaque année, je me régale! Ah, ce week-end, on avait prévu Marthe Villalonga comme marraine. Je te l'ai dégagé quand je suis arrivé, ça n'a pas traîné. Du coup, une fois de plus, j'ai été le président de la cérémonie. Attention, attention! Voilà le moment de vérité! À la troisième place, elle vous a fait mourir de rire avec son sketch de la poule qui pète, Germaine la super mamie de la région de Normandie! Germaine? Mais qu'est-ce qu'elle fout? Ah, on me dit dans mon oreillette que Germaine est partie changer sa sonde. Elle sera avec nous dans une vingtaine de minutes! À la deuxième place, elle vous a convaincu avec ses prouesses de reine du rafting, elle vous a ému avec sa dévotion à l'association SOS Amitié. Ginette, la super mamie d'Île-de-France! Bravo! Félicitations, Ginette! Merci, merci beaucoup, je suis très touché. Bon, ça va, la ferme, t'es deuxième, la vie, ok? Allez, va t'asseoir. Et maintenant, la super mamie 2005 est... Yolande! La super mamie bretonne! On peut l'applaudir, fantastique! Bon, qu'est-ce qu'il faut? Dites pas que c'est une sorte de sang, elle aussi? Comment? Je crois que nous allons faire ça, Yolande. On vient de me dire dans mon oreillette que Yolande venait de mourir en coulisses. Eh bien, conformément au règlement, c'est la numéro 2 qui gagne en cas de décès de la lauréate. Une règle que vous connaissez bien, puisqu'elle est appliquée en moyenne une année sur deux. Ginette, reviens sur scène. Merci, merci mille fois. Contente, la vioque? Oui, c'est vrai. Ginette, j'ai entendu dire que tu étais veuve et que dans la vie, tu t'emmerdais un peu la nuit, hein, c'est vrai? C'est vrai que de temps en temps, je me prendrais bien un petit coup de béquille derrière la gaine. Je suis sûr que tu vas trouver pas mal de prétendants avec ce titre de super mamie, ma Ginette. Ça me ferait rudement plaisir. Ah, je serai à ta place, je m'inquiéterai pas. Car tout le monde le sait, Ginette, surtout les hommes. Ginette, la perfection au masculin. Et voilà mon constat. Une fois de plus, j'ai rempli de joie le cœur d'une presque morte. Qu'est-ce que je suis génial quand même. Bon, je me sauve. J'ai rendez-vous chez l'esthéticienne pour lui faire le maillot avec les dents. Au revoir.